J'ai trop envie d'une vodka Red Bull. Grave. J'ai trop envie d'une clope. T'as beau arrêter de boire depuis longtemps, ça disparaît jamais vraiment. Je me réveille à midi, la tête en vrac, la bouche en feu, l'impression d'avoir passé la nuit dans un cendrier. La première chose que je me dis, c'est plus jamais. La deuxième, c'est vivement 18h pour qu'on commence à les enquiller. Dans mon salon, y'a un mec que je connais vite fait, qui s'allume un truc d'une très mauvaise qualité. Donc je lui demande si je peux tirer. Je m'endors devant l'épisode, je me lève à 18h, donc j'y vais. Je suis la définition d'être en roue libre. C'est même plus des mauvaises habitudes, c'est la routine. La tease, les clopes, la weed, les potes, les joints. Je dis que j'arrête comme jeu, 4 ans plus tard, j'en suis toujours au même point. Les balcons, les terrasses, les bouteilles, les flasques. Y'a toujours un mec défoncé qui m'a bizarre dans la glace. Nicotine sous angine, dans les poumons, dans les veines. Et je continue de répéter que ça m'aide à gérer mes problèmes. En gros, ça c'était moi avant. Normalement, maintenant, je suis pas là-dedans. Mais de temps en temps, le passé refait surface. Et j'entends cette voix qui me dit: hello, comment ça va? Moi ça va pas. Je suis l'ancien toi. Tu croyais que j'étais parti, mais je suis toujours là. La la la la la la la la la la. Pourquoi tu me calcules pas? La la la la la la la la la. Encore une fois, on se revoit, toi et moi. Coup de stress, tu crames tout pour une puff. Je suis comme Sukuna, j'attends un faux pas. Le passé qu'on a, oublie-le si tu peux. Tu dis que c'était avant, arrête de mentir. Tapage et chant, non c'est juste le produit. Au lieu de rouler, tu scrolles à l'infini devant des vidéos de notre ancienne vie. Et quand ça marre, on la vit vire au gris. Le bonheur, le vrai, n'est pas dans les sourires. Regardez qui s'efface, on voit qui est qui. Même le boss final se fera kill. Dès que je sors la tête de l'eau, il veut me faire replonger. Dès que je commence à m'élever, il veut me faire retomber. Fait, tu veux pas vraiment les battre tes démons. Des fois y'a rien d'autre à faire que de couper les ponts. Comment couper les ponts? T'as gardé le plug. T'as gardé une taille au cas où il pleut. Tu déprimes, c'est pas la qualité. J'suis pas ton ennemi, j'suis ta vérité. Même fuite, même vide, même problème. Tu te drogues autrement, mais tu te drogues quand même. J'étais parti, mais je suis toujours là, là, là. La la la la la.